Dimanche 11 novembre, préjugés ethniques. Lisez Acte 6 au verset 1. Quel problème a poussé les gens à se plaindre de la distribution de nourriture aux veuves ? Certains des premiers chrétiens avaient apparemment des idées préconçues sur les veuves hellénistes qui vivaient parmi eux, et ils leur donnaient moins de nourriture qu'aux veuves d'origine juive. Ce favoritisme perçu provoqua une division dans la jeune communauté de croyants. Que ce favoritisme ait été réel ou pas, le texte ne le dit pas. Il est simplement dit que certaines personnes le croyaient. Ce conflit menaça très tôt l'unité de l'Église. Il est fascinant de constater que les divisions ethniques étaient présentes très tôt dans l'Église. Lisez Acte 6, les versets 2 à 6. Quelles mesures simples l'Église a-t-elle prises pour résoudre ce malentendu ? L'Église primitive connaissait une croissance rapide et cette croissance ajoutait des fardeaux de plus en plus pesants sur les apôtres. Le choix de ces 7 hommes traditionnellement appelés les diacres, bien que le Nouveau Testament ne les appelle pas ainsi, diminua les tensions dans l'Église de Jérusalem et permit l'implication de plus de gens dans le ministère de l'Église. Les apôtres écoutèrent avec attention les plaintes des croyants de langue grecque et leur demandèrent de trouver une solution. On laissa le choix des 7 hommes qui deviendraient associés des apôtres à ce groupe, qui recommanda 7 disciples, tous d'héritage helléniste. Ces hommes, de qui l'on rendait un bon témoignage, étaient considérés comme remplis d'esprit et de sagesse. Le ministère des apôtres, qui jusque-là avait été à la fois de prêcher la parole de Dieu et de distribuer de la nourriture aux veuves, fut réparti en 2 groupes, chacun accomplissant un ministère de valeur égale pour la proclamation de l'Évangile. Luc emploie ce même mot, diakonia, traduit par ministère ou service, pour parler aussi bien du ministère des apôtres que de la prédication de la parole, ou du ministère des diacres, dans la distribution de nourriture. D'après vous, que signifie le fait que les dirigeants ont appelé un grand nombre de croyants à se rassembler pour tenter de trouver une solution ?